Induna palca, to chuj się nie gramy. Popójnia do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau sur la Tourguise Radio. Aujourd'hui, on va aller du côté de la Pologne. Salut Souris. Salut Milky, salut tout le monde. Ouais, écoute, c'est un peu notre classique, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et en parlant de classique, on commence avec du gros classique, avec Wiz et Powell. Ouais, deux morceaux de Oui, c'est pas ouais, donc un groupe de Wrocław. Le premier, c'est Oi Oi, Oui, c'est pas ouais, donc je pense que tout le monde peut comprendre, ça va. Et le deuxième morceau, c'est Meranichne Oko, qui veut dire un œil mécanique. Mandatu będzie ci stuwa. Nigdzie nie jesteś anonimowy. Czuję się stale obserwowany. C'était Wazy Power avec Oi Oi Wazy Power et Mechanischne Oko. Et on va rester donc dans le mythique avec du côté de Tchétchène, The Analogues. Voilà, décidément, hein. Du classique en classique. Alors, le premier morceau, c'est Bejimiena Armia, l'armée sans nom. Et Tulentiendo Butelki, qui veut dire j'en lasse la bouteille. Une Probablement petite une. chanson d'amour à l'alcool, ou Oui, c'est justement ce une que j'allais critique dire. de notre amour de l'alcool, je ne sais pas. To nasza religia, w to wierzyliśmy i wierzyć będziemy. Nas nie prowadzą żadne sztandary, nie można nas kupić obietnicami. Nie mogli nas niszczyć brunatni czerwoni. Jesteśmy jak skała, niepokonani. Bezimienna armia, głos ulic i bram. Bezimienna armia. Przeciwko policji, przeciw uliczkowi i prohibicji. Przez trudne i ciemne zaułki miasta idziemy, wzbudzając twój strach i nienawiść. Dlatego, że nie masz nad nami kontroli, chciałbyś nas widzieć wciśniętych za kraty. Nie możesz nas nazwać, nie możesz zrozumieć, nie możesz zatrzymać naszego gniewu. Bezimienna armia, dumni i twardzi, wróg jebanego establishmentu. Bezimienna armia, głos ulic i bram. Bezimienna armia, twardzi jak stal. Bezimienna armia, przeciwko przeciwuliczkami i prohibicji. Twardzi jak stal. Zabijasz szybko, samotny wieczór, puste dni. Nie wiem jak straciłem wszystko i nic nie zostało mi. Znumy szczęścia i nadziei z wszystkich tych naiwnych lat. Dziś moje wyschnięte usta nie potrafię już się śmiać. Tulę się do butelki, całuję ją ostatni raz. Zanim zasnę nim utonę w moich niespokojnych snach. Tulę się do butelki, tylko ją dzisiaj mam. Ona mnie rozumie, każdy łyk to łza. Chciałem mieć to co inni, piękny dom i ciebie w nim. Chciałem zdobywać to wszystko, dzień za dniem ze wszystkich sił. Moje serce nagle pękło i pozostał tylko ból. Szybko nudzi się czekanie, dziś nie czekam na nic już. Tulę się do butelki, całuję ją ostatni raz. Zanim zasnę nim utonę w moich niespokojnych snach. Tulę się do butelki, tylko ją dzisiaj mam. Ona mnie rozumie, każdy łyk to łza. Nie ma ciebie ani mnie. Wszystkie najpiękniejsze chwile znajdę na butelki dnie. C'était The Analogues avec Bezemiana Army et Tue Chie do Butelke. Et oh, une nouveauté, tiens, une nouveauté des années 80. Ouais, ouais, c'est une nouveauté des années 80, c'est marrant. Ouais, Brigade à Crisis, donc la brigade de crise. Un groupe de Varsovie formé en 81, qui a galéré, qui a fait face à de nombreuses interdictions de concerts, de représentations, quoi, de la part du régime communiste. Et donc, bah, entre 82 et 89, vu qu'ils galèrent et qu'ils ont beau essayer de jouer à droite à gauche en changeant leur nom et tout, enfin, tu sais, les techniques classiques que les groupes faisaient à cette époque, quoi, ils ont quand même du coup pas été ultra actifs. Et en 91, ils feront enfin un concert au fameux festival de Yarotine. Et donc, voilà, c'est un peu l'histoire mouvementée de ce groupe, quoi. Le morceau, c'est Radioactive ni Bloc, qui, bon, je pense que tout le monde comprend, hein, le bloc radioactif. C'était les Brigada Crisis avec Radioactivni Block à Varsovie donc. Et nous allons rester dans à la fin des années 90 avec deux reprises. Non, fin 80. Oui, pardon. J'ai dit quoi? En 90, tu t'as fait un petit saut dans le temps, écoute. Oui, bah, 89-90, c'est pareil. Oui, mais fin 90, là, ah, c'est j'ai dit fin 90. Ah Ah, j'avais pas oui! bien. Là, j'avais dit que Ah, j'avais dit début des années 90, pardon. c'est que je suis moi. Ouais, je vois ça. ouais, donc du coup, deux groupes de 89. Alors, le premier, c'est Apatia de Poznan avec la chanson Fabrica, qui est une cover de Déserteur. Et une autre cover de Déserteur du groupe Bulbulators de Silésie. Et le morceau, c'est Od Nova. Wszystko wyrówna. kraju, od nowa kraju, wkrótce będziesz miał jak kraju, od nowa kraju, od nowa kraju, wkrótce będziesz miał jak kraju, od nowa kraju, od nowa kraju, wkrótce będziesz miał jak kraju, od nowa kraju, od nowa kraju, wkrótce będziesz miał jak kraju. Et voilà pour les deux covers du groupe mythique Déserteur par Apatia. C'était le morceau Fabrica et les non moins mythiques Bulbulators avec Od Nova. Et nous allons maintenant rester en tout cas dans les années 80 avec oui, Cella NR3. Cella Numerche. Du coup, Cella oui, Numerche, voilà. C'est la petite la petite séquence nostalgie des années 80, faut croire. du coup, un groupe de 85 qui avait avec leur premier nom, c'était Zanik Pamienci, qui voulait dire amnésie. Et après, ils sont appelés Celanu Marche. Alors, le titre, comme on le voyait avant d'enregistrer, c'est un truc super sympa à prononcer. Allez, je me lance. Vas-y, lance-toi. Siège. Chouska. Ça y est, putain, t'as vu, j'ai bien réussi. Mais franchement, du premier coup, tranquille, ouais, hein. Sans respirer. C'est parce que j'ai vachement respiré avant. Et du coup, c'est 6-6. Et donc, si le premier n'a pas du tout le même son que le deuxième, c'est parce que nos amis polonais ont ces fabuleuses déclinaisons qui nous compliquent pas du tout la vie. Et c'était Cella Numerche avec Cześć Chorska. Et nous allons. Et t'as vu, j'ai presque réussi. Hein. Et nous allons terminer cette émission avec Horror Show. Ouais, le Horror Show, un petit groupe de Sosnowiec, pardon. On avait passé déjà quelques morceaux. Et là, celui-ci, c'est Javje Vierni, qui veut dire toujours fidèle. We'll be right back. Et c'est avec Horror Show, Zagnier, Gierny, toujours fidèle, que se termine cette émission. On vous remercie grandement pour votre fidélité à l'Ouest Rien Nouveau et la Drouguise Radio. Merci Zassouri pour la préparation et la co-animation de cette émission. Ben, merci à tous nos auditeurs et puis voilà, à la semaine prochaine. Et pas à nos auditrices. Oh y compris dedans, c'est inclus dans le prix, voilà. Oh, c'est pas très woke. Bon, je suis trop fatiguée là, justement, ouais, en effet. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Et restez à l'écoute, car la voix de la Hoy n'est pas.